sœur d'une autre mère. On a acquis le statut de famille. Mon ref a toujours couvert mes arrières. Je continuerai de mentir à sa petite amie. Ma mère peut l'engueuler comme si c'était son fils. Si ça, je vais sauter d'office dans la mêlée. Ouais, même si mes habits coûtent cher, c'est la même. Même si c'est lui qui a cherché la merde. C'est vrai qu'il est pas réaliste. J'ai les boules de le voir. Mais se voir, c'est rempaille. Perdre son temps. On est 30 sur la liste. On déboule devant la boîte. Y'en a un qui rentre pas. Personne rentre. Je suis le seul à te voir quand t'as pas les cheveux lissés. Notre équipe était massive au lycée. Et tu le sais, dans mon équipe, y'avait quasiment que des têtes cramées. J'étais celui qu'on envoyait pour paraître civilisé. Des urgences, des mariages, des naissances, des procès, des nuits blanches et des micro-siestes. Tous mes amis en ont dans le ventre, mais ça ne se voit pas comme un déni de grossesse. C'est pour mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Les traîtres, on les fuck. Traîtres, on les fuck. Les vrais, pas les faux. L'entourage, bébé. Ref. Senzo. Hey. J'ai passé mon adolescence à voler secrètement. Si je te disais que je regrette, ce serait te mentir. Maintenant je sais que tu peux te faire serrer demain. Rien ne vaut le sentiment de vivre sereinement. La vie n'est qu'une escale et ton corps n'est qu'un emprunt. Tu te plains mais pense à la mort parce qu'elle est encore pire. Grosse galère, on escaladait les grilles des immeubles afin de se caler dans les cages d'escalier pour dormir. On était ensemble pour la mettre à l'envers dans tous les endroits. Prouver ce qu'il a sécurité, faut du sang froid. Je sais le vide que ça laisse en toi. Sans ma plus fidèle amie, je serais sûrement sans toi. Mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Les traîtres, on les fuck. Avec mes pèlerins, on faisait qu'emmerder le monde. Sur le chemin de l'amitié, j'ai fait de belles rencontres. Mais j'ai grandi, pas besoin de t'alerter tellement. Quand on part dans nos délires, on a l'air tellement con. J'étais qu'un petit quand mes kabyles m'ont surnommé Fenné. Escroc de Milan, bébé. À l'époque, on n'avait pas besoin de se téléphoner. Pour s'appeler, fallait siffler en dessous des fenêtres. On se donne tellement de trucs, on est quitte. Ref. Langage cru quand on prend des cuites. Open bar, on le brûle en équipe. Open mic, on le brûle en équipe. Ma meilleure amie porte le voile, elle est mignonne. J'ouvre pas ma porte à n'importe qui, j'm'en bats les roubignoles. J'mets tous mes potos dans mes clips, même ceux qui ont la même tête qui gore. On a appris à devenir des hommes. Et si la vie te cogne à tour de bras, je me dis qu'il faut qu'on veille les uns sur les autres pendant que mes amis dorment autour de moi. Pour mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Les traîtres, on les fuck. Pour mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes refs, mes ref